Excel. Premier chapitre leçon ça a permet de comprendre Excel à classeur, deux bases fondamentales pour travailler avec données. Définition. Excel c'est un logiciel qui sert pour organiser, calculer, analyser et présenter données sous forme tableau. Explication coûte. Ou qu'à utiliser pour faire calcul, faire liste, faire statistique, créer graphes et gérer information. Exemple. Yon entreprise qui a utilisé Excel pour contrôler dépenses à revenus. Classeur. Définition. Classeur c'est dossier principal là dans Excel qui kembe plusieurs feuilles travail. Explication. C'est un couillon cahier qui gagne plusieurs pages là-dedans. Exemple. Yon classeur qui a gagné feuille janvier, feuille février, feuille mars.